Chapitre 4. Elle avait l'habitude de se coucher à 10 heures, régulièrement, à moins de travail pressé. Avant de se mettre au lit, elle écouta en se collant l'oreille au mur de son voisin. Elle n'entendit rien. Alors l'idée lui vint d'aller à sa porte, mais elle n'osa pas. Cela lui paraissait honteux d'écouter aux portes. Elle se coucha et éteignit sa lampe pour s'endormir tout de suite. Mais elle ne s'endormit pas. L'idée de ce pauvre homme la hantait. Elle le voyait dans sa chambre glacée, malade, mourant, sans pouvoir appeler au secours. Comme elle suivait ses noires pensées, il lui sembla entendre un gémissement. Croyant qu'elle s'était endormie et qu'elle rêvait, elle s'assit pour mieux écouter. Rien, pas de gémissement, pas d'autre bruit que les craquements de la neige sur le toit et les murmures sourds de la ville. Elle s'était trompée. C'était une hallucination. Elle n'avait qu'à dormir. Mais elle ne dormit point. Jamais elle n'avait eu moins sommeil. Jamais elle n'avait été aussi nerveuse. Le moindre bruit la faisait frissonner. Elle avait peur et en même temps, elle se sentait tout émue, attristée et inquiète, comme si elle eût été en danger, sous le coup d'un malheur. Quand elle ouvrait les yeux, la lueur rouge qui s'élevait de Paris et emplissait le ciel l'épouvantait. Quand elle les fermait, elle voyait des ombres fantastiques plus épouvantables encore. Et toujours, elle revenait à son voisin, ce malheureux homme. Ne serait-elle pas responsable de sa mort si elle ne faisait rien pour le secourir? N'était-elle pas coupable, le sachant là, abandonné, de ne pas lui venir en aide? Une fois que cette idée se fut emparée d'elle, elle ne l'abandonna plus, quelques efforts de volonté qu'elle fit pour la chasser. Elle lui serra le cœur, elle s'empara de son esprit, elle ne pensa plus qu'à cela, et avec une intensité qui ne la laissait pas respirer. Ça avait été de la lâcheté de ne pas aller frapper à sa porte lorsque les voisines étaient montées la prévenir. Alors, elle avait cédé à leurs observations, à leur influence. Elles étaient des femmes qui savaient la vie, tandis qu'elles ne savaient rien. Maintenant, dans le silence et la solitude de la nuit, elle n'était plus qu'en face de sa conscience. N'écouterait-elle pas sa voix qui lui parlait si haut, si fort? Était-elle bien sûre de ne pas avoir entendu ce gémissement? Il ne s'était pas répété. Elle n'en était certaine. Mais c'était peut-être parce que ce pauvre homme était trop faible. Cette indécision était trop cruelle. Elle ne respirait plus. L'oppression, l'anxiété l'étouffaient. N'y tenant plus, elle sauta bas de son lit et ralluma sa lampe. L'obscurité l'affolait. Mais, chose extraordinaire, la lumière ne la calma pas. Elle devait aller à sa porte. Il le fallait. C'était son devoir. Qui sait? Ses avertissements, son anxiété, c'étaient les ordres de la Providence, peut-être. Ce gémissement était une voix surnaturelle. Elle s'était habillée. Tenant sa lampe d'une main, elle sortit. Le corridor était sombre et silencieux. Saisie par le froid et une crainte vague, elle s'arrêta. Mais ce ne fut qu'une courte hésitation. Bravement, elle alla jusqu'à la porte. Cependant, avant de frapper, elle s'arrêta encore et écouta, retenant sa respiration. Elle n'entendit rien dans la chambre. Se décidant, elle frappa 3 coups faiblement mais distinctement. Il se fit un craquement dans la chambre. Elle frappa plus fort 3 nouveaux coups, d'une main agitée par l'émotion. Alors, une voix tremblante murmura quelques paroles qu'elle ne distingua pas très bien. Cependant, elle crut entendre « C'est toi, baronne ?» Il était donc là, il était donc vivant. Le courage lui revint. « C'est moi, » dit-elle. « Si vous avez besoin de quelque chose, ouvrez. » Elle ne pouvait pas dire son nom, qui ne signifiait pas grand-chose, mais par le ton, elle espérait faire comprendre qu'elle venait en ami. Il se fit au bout d'un certain temps un craquement plus fort, puis un bruit sourd, comme si un corps lourd tombait sur le carreau. Elle attendit. Des pas qui semblaient hésitants traînaient dans la chambre en grattant. Elle entendait un souffle haletant coupé par des soupirs. Un coup sourd retentit dans la porte, puis un frôlement sur le panneau de bois, celui d'une main qui cherchait, puis la clé résonna dans la serrure dont le pêne grinça. Elle tenait sa lampe en avant, la main haute. La lumière éclaira un homme de grande taille, enveloppé dans une sorte de houppelan doublé de velours noir, aux cheveux en désordre, à la face pâle et décolorée, qui vacillait sur ses jambes chancelantes. « Qui êtes-vous » dit-il en reculant. « Votre voisine. J'ai cru vous entendre gémir. Et je suis demandé si vous n'aviez besoin de rien. Vous êtes malade, monsieur ? malade, c'était mourant, c'était mort, qu'elle aurait pu dire. Il tenait la porte d'une main crispée et son grand corps se penchait tout ballant. Comme elle allait entrer, il lâcha la porte et faisant 3 ou 4 pas en arrière, il s'affaissa défaillant sur son lit. Le seul meuble de la chambre où l'on put s'asseoir. Car il n'y avait ni fauteuil ni chaise. Une malle seulement, un bassin en zinc, une grande cuvette, un broc, et ce qui était caractéristique, sur l'appui de la fenêtre, tout un jeu de brosses en ivoire sculpté. Elle n'avait point été élevée dans le luxe ni habituée aux superfluités de l'ameublement, mais ce qu'elle avait vu d'un rapide coup d'œil était si misérable qu'elle se demandait comment on pouvait vivre là-dedans. « C'est la baronne qui vous envoie, » dit-il d'une voix éteinte et en la regardant avec des yeux qui ne voyaient pas. Elle devina qu'il ne l'avait pas entendue, ou bien, dans son état de faiblesse, il n'avait pas compris ce qu'elle lui avait dit. Elle le lui répéta. Il la regarda vaguement. « Vous avez besoin de quelque chose ? » dit-elle. « J'ai soif. » Elle regarda autour d'elle et ne vit rien pour lui donner à boire, ni carafe, ni sucrier. En passant l'inspection de la chambre, elle aperçut des habits accrochés çà et là à des clous enfoncés dans le mur. Sur l'appui de la fenêtre, à côté des brosses, se trouvait un verre. Elle le prit, et ayant posé sa lampe sur la malle pour avoir ses deux mains libres, elle voulut verser dedans l'eau de la cruche. Rien ne coula. L'eau était gelée, un gros glaçon sonnait contre le zinc. « Je vais aller vous chercher de l'eau, » dit-elle, et elle reprit sa lampe. Mais en passant devant lui, en le regardant, elle le vit claquer des dents. « Vous avez froid, » dit-elle, « il faut vous recoucher, il gèle dur. »« Oui, » murmura-t-il. Elle fit quelques pas pour sortir, mais, revenant à lui, « Vous n'allez pas vous réchauffer dans votre lit, » dit-elle, « vous avez eu froid. »« J'ai froid, oui, j'ai froid. » »« Ce n'est pas étonnant, par ce temps rigoureux. Il faut venir dans ma chambre, votre chambre. » Vous n'avez que 2 pas à faire. » Il soupira comme s'il avait conscience que ces 2 pas étaient quelque chose de terrible. Elle avait été frappée de la façon dont il s'exprimait, répétant les mots mêmes dont elle se servait, comme s'il n'était pas capable d'en trouver d'autres lui-même, ou comme s'il avait besoin de se les répéter pour les comprendre. Était-il donc en enfance ou paralysé ? « Je vous donnerai le bras, » dit-elle. « Vous trouverez du feu, je vais le rallumer. »« Du feu ?» Cette fois, ce fut un soupir de soulagement et d'espoir qui s'échappa de ses lèvres entrouvertes. « Et puis du bouillon. Cela vous serait peut-être meilleur que de l'eau. J'ai du bouillon. Justement, j'ai mis le pot-au-feu aujourd'hui. » Il fit un mouvement comme pour se lever vivement, les mains agitées par un tremblement d'impatience et d'impuissance. Le voyant ainsi, elle se dit tout bas, « Mais c'est de faim qu'il se meurt. » Et vivement, elle vint à lui pour le prendre par le bras. Elle n'était pas forte. Mais la pensée qu'elle pouvait arracher cet homme à la mort et être utile lui avait donné une énergie exaltée. Elle le souleva vaillamment et lui passa le bras autour de la taille. Une fois qu'il fut debout, il chancela, mais elle l'appuya sur son épaule et, presque le portant, elle le conduisit dans sa chambre. Ce qui augmentait la difficulté, c'était l'obscurité, car ce n'était pas trop de ses 2 bras pour le soutenir. Elle n'avait pas pu prendre sa lampe. Elle allait donc à tâtons en s'appuyant à la muraille et sans le lâcher. Pour lui, il se laissait traîner sans rien faire pour s'aider.